Why, why, why, why, why, why, why? Why, why, why, why, why, why, why? C'était Yamal, Terre au Pécho. Un qui change. Hey! Manion, nos pères, on fait ça à la minute. Militants, sacré bande de comme Milito. Ah ouais! On pétave comme des minotaures, les cafards arrivent à 1100, donc on traverse les minotaures. Renifleur dont t'as plus en gris. Plaisanterie remontrée. Lol, je l'ai plié en fit. Ce serait trop sale, je veux voir en vrai. Je veux la main dans le congélateur, pas de toucher la tête, celle dans le noir, j'ai la peur. Dans le match, j'ai plongé la tête, mes mains dans du latex, c'est bon, j'ai touché la porte. J'ai pas signé chez Leicester. Tu peux me croiser sur les listes. Ouais. En manque, tu vas lécher le terre. T'es très content sur mon dit, pourtant je veux laisser le star. Hop, bim, je suis côté passager. Passager, on s'est flashé, du flash assez. Un passateur, vérifie si c'est pas ses chiens. Un passager, qui montre qu'ils sont pas si chauds. Un patin bleu, c'est le quartier qui phénomène. Un coup de fil, et ta copine un phénomène. Clarim, vous inquiétez pas, c'est fait les man. Non, ne copie pas ou fais mieux si tu fais la même. Épuisant, galère c'est épuisant, garde d'âme c'est épuisant, épuisant, tu connais le bison. Épuisant, épuisant, épuisant, galère c'est épuisant, garde d'âme c'est épuisant, épuisant, tu connais le bison. Épuisant, épuisant, épuisant, fatigué je perds mon sang, épuisé je perds du temps, rapidement, ça devient trop éreintant. Épuisant, épuisant, épuisant, fatigué je perds mon sang, épuisé je perds du temps, rapidement, ça devient trop éreintant. Le rap se pousse vers le bloc opératoire. Plafond au paix à l'air. Fais pas de l'opératoire. Je me débrouille avant de présenter à l'herbe. R6 guérilla char d'assaut. Pendant que le pétard m'assomme. Me guille l'armée des bars salauds. J'ouvre une bouteille au grand format seul. On fait du sale, c'est pas des lol. J'ai trop fumé au capillon, me faire aborder là. On me dit fais rien si c'est pas des loups. Et index, t'es fait pas ruiner par Bella. Hop, bim, fais crier le terme au mec. Bienvenue dans le terminus. Fumez dans le cerveau, man. Quand je finis mon terminus. Dans la foulée, gros, j'en perds sommeil. La fatigue, je commence par semer. Bah ouais, ça merde. Capuché de l'argent, pas comblé par ce manque. Rien à foutre, j'ai tout dans le parchemin. Y'a juste en passant par chez moi. La mer coule, Porsche au moins. Vraiment, vraiment, compris quand je pars chez toi. Épuisant, galère c'est épuisant, garde d'âme c'est épuisant, épuisant, tu connais l'épuisant. Épuisant, épuisant, épuisant, galère c'est épuisant, garde d'âme c'est épuisant, épuisant, tu connais l'épuisant. Épuisant, épuisant, épuisant, fatigué je perds mon sang, épuisé je perds du temps, rapidement, on s'accueille trop éreintant. Épuisant, épuisant, épuisant, fatigué je perds mon sang, épuisé je perds du temps, rapidement, on s'accueille trop éreintant. Épuisant, galère c'est épuisant, garde d'âme c'est épuisant, épuisant, tu connais l'épuisant. Épuisant, épuisant, épuisant, galère c'est épuisant, garde d'âme c'est épuisant, épuisant, tu connais l'épuisant. Épuisant, épuisant.